Je nage dans un monde de flow bat, d'ado avec un flow wack qui rêve d'être derrière le rideau, mais sans trop wack. Des vêtements qui priment sur le contenu, parents qui priment selon la vertu. Capitan CD up to date, moi tu te fais dire stop le fake ass. Ta première track, dis des pétasses. Pour faire un show sur un instru, c'est clair que tu te déplaces. Tu rêves d'un show à pleine capacité, remplis les places. Sauf je m'adresse à ceux qui sont dans la vingtaine, qui sont fed up DMC avec toujours les mêmes thèmes, les mêmes thématiques qui reviennent, les rimes avec mathématiques, arsenal lyrical. Souvent t'es wax sick sur une scène, persévère encore, les chicks de ta poly. Espère encore te voir sur un piédestal avec deux pieds d'estime, la tête en fait grave comme si ton flow était violent comme une game d'escrime. Tu parles toujours de bataille lyrical, mais tu perds le duel. Tu dis tight, c'est normal, tu te vois contre DMC résiduel. Résidu de la mode du hip-hop, représente le secteur des corsiers de la police. Pour faire ton hot stop, pas compris qu'avoir des influences, c'est pas fighter. Même dans tes dictées, je sais que le point est remplacé par un IT. La lettre majuscule, remplacé par un yo. Ta syntaxe, ça fait pitié en crise, seul gros. J'ai fait 10 ans de jambes d'un corps pour te faire la morale, mais prétends pas encore avoir un fat. Peut-être j'suis pas normal. Peut-être j'suis pas normal. Peut-être j'suis pas assez fat. Ton point d'être top fame, mais t'as besoin que les pop tape. Parti pour get paid. Rock ton mic pour un crossfade. Y'a juste les wack qui disent l'ensemble. Pis ceux avec un fat flow sont juste pour dire que leur est potable. Ton point d'être top fame, mais t'as besoin que les pop tape. Parti pour get paid. Rock ton mic pour un crossfade. Y'a juste les wack qui disent l'ensemble. Pis ceux avec un fat flow sont juste pour dire que leur est potable. Les wiggy wiggy de wack font leur mic et le mic sur le stage. Ça fait comme dans les vidéos de rap, va être l'instar dans le rap. DJ de doigts sur des instruments fat. Made in USA, se pointe pas la face, c'est pas all age, peux pas rentrer. 60 personnes sur scène, ça se bête à 3 pour 1. Le reste du monde, ils signent les spotlights, un pour tous, tous pour un. C'est vrai que comme ça, t'as l'air tight, pendant que le monde est pas à jeun. Mais Chris, t'es grise, pis panique pas si tu penses te vis. C'est juste que je trouve que le MC Inc se propage comme une désir. Faudrait peut-être se mettre au beatmaking ou le double H sera en état de crise. Ça frise le ridicule, dans les débuts, je pense fabule. Au lieu de se tenir les couilles, la plupart des MC s'enculent. J'ai l'impression de jouer dans une game où faut avoir l'air le plus bad. À pas réflexion, je me dis c'est shame, Chris, on n'est pas à l'arcade. Ton point d'être top fame, mais t'as besoin que les pop tape. Parti pour get paid. Rock ton mic pour un crossfade. Y'a juste les wack qui disent l'ensemble. Pis ceux avec un fat flow sont juste pour dire que leur est potable. Ton point d'être top fame, mais t'as besoin que les pop tape. Parti pour get paid. Rock ton mic pour un crossfade. Y'a juste les wack qui disent l'ensemble. Pis ceux avec un fat flow sont juste pour dire que leur est potable. Ton point d'être top fame, mais t'as besoin que les pop tape. Parti pour get paid. Rock ton mic pour un crossfade. Y'a juste les wack qui disent l'ensemble. Pis ceux avec un fat flow sont juste pour dire que leur est potable. Ton point d'être top fade, mais t'as besoin que les pop tape. Parti pour get paid. Rock ton mic pour un crossfade. Y'a juste les wack qui disent l'ensemble. Pis ceux avec un fat flow sont juste pour dire que leur est potable. Thank you.